rater et puis abandonner, ça fait un peu désordre. Le courrier des voisins transformé en puzzle, là tu tires sur la corde. Tous ces jeux interdits étaient ta tasse de lait quand tu étais petit. Ne nie pas, ta mère me l'a dit. T'es un mauvais garçon, vraiment pas fréquentable. Tu aimes les frissons, les choses intolérables. Ça je ne peux pas dire que je ne savais pas, mais il y a pire. J'adore ça. Paraît que t'as kidnappé ta première amoureuse, ça fait un peu désordre. Tu l'as déménagée par la fenêtre comme une gueuse, là tu tires sur la corde. Ces manières décalées étaient ta tasse de thé quand tu étais jeune homme. Ne nie pas, ta sœur me l'a dit. T'es un mauvais garçon, vraiment pas fréquentable. Tu aimes les frissons, les choses intolérables. Ça je ne peux pas dire que je ne savais pas, mais il y a pire. J'adore ça. Tu gonfles ta piscine sur le parking de Carouf, ça fait un peu désordre. Tu harcèles Bayrou, deux SMS provoquent, là tu tires sur la corde. Ce côté rentre dedans et ta tasse de vin depuis que tu es mon homme. Ne nie pas, mon cœur me l'a dit. T'es un mauvais garçon, vraiment pas fréquentable. Tu aimes les frissons, les choses intolérables. Ça je ne peux pas dire que je ne savais pas, mais il y a pire. J'adore ça. J'adore ça.